black hole man, I say yeah. Ok, pire man, tu n'es qu'un black hole man. Ok, pire man, tu ne peux pas tromper le rasta man. Ok, pire man, tu ne peux pas tromper le rasta man. Ok, pire man, tu n'es qu'un black hole man, I say. Tu n'es qu'un black heart man. Tu vends les armes qui font souffrir nos âmes. Tu attises la flamme que tu éteins avec nos larmes. Le maître de l'univers brisera ton cœur de pierre. Il entend nos pleurs, il entend nos. Tu n'es qu'un evil man.